8A. Étrange cambriolage que celui de la crêperie La Belle Bretonne de la rue des Augustins. Hier soir, vers 21h30, des cambrioleurs se sont introduits dans le local, après avoir cassé la vitrine avec des blocs de pierre qui étaient sur la voie publique pour des travaux d'aménagement. Une fois à l'intérieur, les cambrioleurs ont cherché de l'argent et ont essayé de débloquer la caisse. Comme ils n'ont rien trouvé, ils ont décidé de manger ce qu'il y avait dans la cuisine de la crêperie. Averti par un passant qui a été témoin de la fuite des malfaiteurs, la police a retrouvé à l'intérieur de La Belle Bretonne des crêpes à demi mangées et 3 bouteilles de cidre vides.